Chapitre 17. Tout le fil est filé, la trame est terminée et nous avons fini notre tâche ordonnée. Thomas Gray. Campés dans les déserts de l'Oricon, les deux armées ennemies passèrent la nuit du 9 août 1757 à peu près comme elles l'auraient passé si elles se fussent trouvées sur le plus beau champ de bataille de l'Europe. Les vaincus étaient silencieux, sombres et abattus, les vainqueurs respiraient l'enivrement du triomphe. Mais la douleur et la joie ont leurs limites, et avant les premières veilles du matin, le calme de ces immenses forêts n'était troublé que par les éclats de rire de quelques jeunes Français placés aux avant-postes, ou par une intimation menaçante partie du fort, et qui en défendait l'approche jusqu'au moment fixé pour la reddition. Ces bruits même s'éteignirent à l'heure solennelle qui précède le jour, et alors aucun signe, aucun mouvement n'eût trahi la présence de deux armées endormies sur les bords du Saint-Lac. Ce fut dans cet intervalle de silence absolu que la toile qui masquait l'entrée de la plus vaste tente du camp français s'entr'ouvrit, et il en sortit un homme enveloppé d'un manteau qui avait sans doute pour but de le protéger contre l'humidité pénétrante des bois, mais qui servait également à dissimuler sa personne. Le grenadier qui veillait sur le sommeil du général français le laissa passer en lui présentant les armes, et le regarda ensuite traverser rapidement la petite cité de Toile dans la direction du fort William Henry. Toutes les fois que l'inconnu rencontrait un des nombreux factionnaires qui se trouvaient sur son passage, sa réponse était brève et sans doute satisfaisante, car il n'éprouvait aucune difficulté dans sa marche à travers le camp. Il était arrivé aux derniers avant-postes lorsqu'il passa devant le soldat qui était en faction le plus près du fort ennemi. À son approche, il fut accueilli par le cri ordinaire « Qui vive ?» On lui répondit sur le champ « France !» Le mot d'ordre ?« La victoire !» « C'est bien !» dit la sentinelle en quittant la posture offensive pour remettre son fusil sur l'épaule. « Vous vous promenez bien matin, monsieur ?» « Il est nécessaire d'être vigilant, mon garçon. » Là-dessus, l'inconnu écarta un pan de son manteau et, tout en regardant le soldat droit dans les yeux, continua à s'avancer vers le fort anglais. L'homme eut un haut-le-corps et fit le salut militaire dans toutes les règles. Puis il reprit sa promenade en grommelant entre ses dents. « Il faut être vigilant, en vérité. Je crois que nous avons là un caporal qui ne dort jamais. » L'officier feignit de n'avoir pas entendu la réflexion qui avait échappé à la sentinelle. Il poursuivit sa marche et ne l'interrompit qu'en atteignant la grève de l'Oricon dans le voisinage assez dangereux du bastion de l'Ouest qui faisait face au lac. La lune voilée jetait une lueur à peine suffisante pour distinguer les objets. Aussi, notre promeneur eut-il la précaution de se placer derrière le tronc d'un gros arbre et il y resta appuyé quelques minutes, absorbé dans la contemplation attentive des fortifications noires et silencieuses de William Henry. Le coup d'œil qu'il jetait sur les remparts n'était pas celui d'un curieux oisif, mais ses regards erraient d'un point à un autre de manière à montrer sa connaissance des pratiques de la guerre, et un certain air de défiance entrait dans ses investigations. Enfin, il parut satisfait de son examen. Et après avoir interrogé avec quelque impatience le sommet des montagnes au levant, comme si le jour eût été, à son gré, trop lent à paraître, il était sur le point de rebrousser chemin lorsqu'un léger bruit à l'angle d'un bastion voisin parvint à son oreille et le fit changer de détermination. Un homme s'approcha du rempart où il s'arrêta, paraissant contempler à son tour les tentes lointaines du camp français. Il regarda du côté de l'Orient, comme s'il eût tardé aussi de voir poindre l'aurore. Puis s'accotant contre le parapet, il laissa errer ses regards sur la nappe brillante du lac, où se reflétaient, comme dans un firmament liquide, les feux d'innombrables étoiles. L'heure, ainsi que la physionomie mélancolique et la haute taille du silencieux individu, ne laissèrent aucun doute sur sa personne dans l'esprit du nocturne promeneur. La délicatesse et la prudence lui prescrivaient alors de se retirer. Et à cet effet, il tournait avec précaution autour de l'arbre quand un autre bruit attira son attention et suspendit une seconde fois sa marche. C'était un mouvement lent et presque imperceptible des eaux du lac qui fut bientôt suivi d'un frottement de cailloux. Aussitôt, un Indien se glissa sur la grève et souleva lentement le canon d'un fusil. Mais, avant que le coup partît, la main de l'officier s'abattit sur le chien. « Ouf !» s'écria le sauvage, dont le projet perfide était déjoué d'une manière si inattendue. Sans rien dire, l'officier français lui mit la main sur l'épaule et l'emmena à quelque distance d'un lieu où leur conversation aurait pu avoir des suites dangereuses et où il semblait que l'un d'eux avait cherché une victime. Alors, ouvrant son manteau et faisant voir son uniforme et la croix de Saint-Louis suspendue à sa poitrine, Montcalm, car c'était lui, demanda d'un ton sévère. « Qu'est-ce à dire ? Mon fils ne sait-il pas que la hache de guerre est enterrée entre les Anglais et son père du Canada ? Alors que reste-t-il à faire aux Hurons ? Répondit le sauvage dans un mauvais français. « Pas un guerrier n'a scalpé une seule tête, et les visages pâles ont fait amitié entre eux. « Ah ah, c'est toi, renard subtil ! Voilà, il me semble, un excès de zèle chez un ami qui était naguère notre ennemi. Combien de soleils se sont couchés depuis que le renard a été attaché au poteau de guerre des Anglais ?»« Où est-il, le soleil ?» objecta l'Indien d'un air farouche. « Derrière la montagne, et il est froid et sombre. Mais, à son retour, il sera chaud et brillant. Le subtil est le soleil de sa tribu. » Il y a eu des nuages et des montagnes entre lui et sa nation, mais il brille à présent et le ciel est clair. Le renard est puissant auprès de ses compatriotes, je ne l'ignore pas, car hier il en voulait à leur chevelure, et aujourd'hui ils écoutent sa parole au feu du conseil. Magua est un grand chef. Qu'il le prouve en apprenant à sa nation à se bien conduire envers nos nouveaux amis. Pourquoi le chef du Canada a-t-il amené ces jeunes hommes dans les bois? Pourquoi a-t-il tiré le canon contre cette maison de terre? Pour la prendre. Ce pays appartient à mon maître, et votre père a reçu l'ordre d'en chasser les Anglais. Ils ont consenti à s'éloigner, et maintenant ils ne les appellent plus ses ennemis. C'est fort bien. Magua a pris la hache pour la teindre de sang. Aujourd'hui, elle est brillante. Quand elle sera rouge, il sera temps de l'enterrer. Mais Magua s'est engagé à ne pas souiller la blancheur des lys de France. Les ennemis du grand chef qui règne au-delà du lac Salé sont ses ennemis. Ses amis sont les amis des Hurons. « Nos amis !» répéta l'Indien avec un amer dédain. « Que mon père me donne sa main !» Montcalm, qui savait que l'influence dont il jouissait sur les tribus guerrières qu'il avait rassemblées devait se maintenir par des concessions plutôt que par l'autorité, lui tendit une main, quoiqu'avec répugnance. Magua la plaça sur une cicatrice profonde qui trouait sa poitrine et reprit avec l'accent du fanatisme. « Mon père connaît-il ceci? Quel guerrier pourrait l'ignorer? C'est le trou qu'a laissé une balle de plomb. Et cela ?» continua l'Indien en montrant son dos à nu. « Et cela ?» Mon fils, je le vois, a été cruellement maltraité. D'où cela peut-il venir ?» Magua a trop longtemps dormi dans le wigwam anglais et le bâton lui a laissé des marques. Il accompagna cette explication d'un ricanement muet qui ne cacha pas, et ne pouvait cacher en effet, la fureur qui était près de l'étouffer. Puis, se remettant tout à coup, il ajouta avec toute la dignité d'un chef indien « Allez apprendre à vos jeunes hommes que la paix est faite. Quant au renard, il sait ce qu'il doit dire aux guerriers hurons. » Sans daigner s'expliquer davantage, ou même attendre une réponse, le sauvage mit son fusil sous son bras et traversa lentement les lignes pour retourner dans la forêt où campait sa tribu. De distance en distance, les sentinelles lui adressaient leur « qui vive !» mais il continua de s'avancer, l'air farouche et sans faire attention à l'appel des soldats qui n'épargnèrent sa vie qu'en reconnaissant en lui la démarche et l'opiniâtre audace d'un Indien. Montcalm resta quelque temps sur la grève où Magua l'avait laissé, livré à de mélancoliques réflexions sur le caractère de férocité indomptable qu'il venait de découvrir dans son allié. Déjà sa gloire avait été ternie par une scène horrible et dans des circonstances qui avaient une effrayante conformité avec celle où il se trouvait alors. Il en sentit plus vivement la grave responsabilité qu'assument ceux qui, pour parvenir à leur but, sont peu scrupuleux sur le choix des moyens et combien il est dangereux de mettre en action un instrument dont on n'a pas le pouvoir de contrôler l'exercice. Chassant des idées qu'il traitait de faiblesse à la veille d'un triomphe, il reprit le chemin de sa tente et donna en passant les ordres nécessaires pour qu'on fît à l'armée le signal du réveil. Au premier roulement des tambours français, ceux du fort répondirent, et bientôt les sons éclatants d'une musique guerrière remplirent toute la vallée. Les trompettes des vainqueurs sonnèrent de joyeuses fanfares, jusqu'à ce que le dernier traînard du camp fût à son poste. Mais dès que les fifres anglais eurent lancé aux échos leurs notes perçantes, tout rentra dans le silence. Cependant, le jour s'était levé, et lorsque l'armée française, rangée en bataille, fut prête à recevoir son général, les rayons d'un soleil d'été en firent étinceler les armes. La capitulation, quoique connue, fut alors publiquement proclamé. Un détachement d'élite désigné pour garder les portes du fort se forma et défila devant le général. On annonça son approche et tous les préparatifs d'un changement de maître furent ordonnés et exécutés sous le canon de la forteresse dont on s'était disputé la possession. Un spectacle bien différent s'offrait dans les lignes de l'armée anglo-américaine. À peine le signal du départ eut-il été donné, tout y présenta un aspect de trouble et de précipitation. Les soldats abattus jetaient sur l'épaule leurs fusils non chargés et prenaient leur rang avec humeur. La lutte passée avait échauffé leur sang et ils ne demandaient que l'occasion de venger une humiliation qui, bien que déguisée sous les apparences de l'étiquette militaire, n'en blessait pas moins au vif leur orgueil. On voyait errer çà et là des femmes et des enfants, quelques-unes portant ce qu'il restait de leur chétif bagage, d'autres cherchant de rang en rang ceux dont elles avaient à réclamer la protection. Le colonel Munro, à la tête de ses troupes silencieuses, conservait un air de fermeté au milieu de son accablement. Ce malheur inattendu l'avait frappé en plein cœur, quoiqu'il s'efforçât d'y faire face avec le stoïque courage d'un vieux soldat. Duncan fut touché de sa douleur. Il s'était acquitté des devoirs qu'il avait à remplir et il aborda le vieillard pour lui demander s'il n'avait plus rien à lui ordonner. Il reçut de lui cette réponse laconique mais expressive. « Mes filles !»« Grand Dieu ! » s'écria le jeune homme. « N'a-t-on pas pourvu à leur départ ? Aujourd'hui, je ne suis qu'un soldat, major !» dit le vétéran. « Et voilà mes enfants !» ajouta-t-il en montrant les troupes. Le major en avait assez entendu. Sans perdre un de ces instants qui devenaient alors si précieux, il courut au logement du commandant pour y chercher les deux sœurs. Il les trouva à la porte, déjà prêtes à partir, au milieu d'un groupe de femmes pleurant et se lamentant, et qui s'étaient réunies là par une sorte d'instinct qui les avertissait que c'était l'endroit où elles auraient le plus de protection. Cora, pâle et inquiète, n'avait pourtant rien perdu de sa fermeté, mais les paupières enflammées d'Alice annonçaient combien elle avait versé de larmes. L'une et l'autre virent le jeune officier avec un plaisir qu'elles ne songèrent pas à cacher, et Cora, contre son usage, fut la première à lui adresser la parole. « Le fort est perdu, » dit-elle avec un sourire de tristesse. « J'espère du moins que l'honneur est sauf. Il est plus brillant que jamais !» s'écria Hayward. « Mais, ma chère Miss Munro, il est temps de penser un peu moins aux autres et un peu plus à vous. Les usages militaires, l'honneur, cet honneur dont vous faites vous-même tant de cas, exigent que votre père et moi nous restions encore quelque temps avec les troupes. Ou découvrir maintenant quelqu'un qui vous protège efficacement dans le désordre et les périls d'un pareil départ. « Il n'en est pas besoin, » répondit Cora. « Qui osera manquer de respect aux filles d'un tel père dans un moment pareil ?» Je ne voudrais pas, reprit le jeune homme en jetant autour de lui un coup d'œil rapide, vous laissez seul pour le commandement du meilleur régiment dans la solde du roi. Notre Alice, vous le savez, n'est pas douée de votre héroïsme, et Dieu seul sait à quelle terreur elle peut se trouver en proie. Vous pouvez avoir raison, dit Cora avec un triste sourire. Écoutez, le hasard nous envoie un ami, juste au moment nécessaire. Duncan comprit aussitôt ce qu'elle voulait dire. Une mélodie lente et grave de la musique sacrée, bien connue dans les colonies de l'Est, résonnait dans un bâtiment adjacent que ceux qui l'occupaient avaient déjà abandonné. Ce fut là que le major trouva David Lagame, exhalant ses sentiments pieux par l'intermédiaire de l'art qui faisait ses délices. Il attendit que le battement de main dont le chanteur s'accompagnait toujours eût cessé. Alors, lui touchant l'épaule, il réclama son attention et lui expliqua brièvement ce qu'il désirait de lui. « À votre service, répondit l'honnête disciple du roi d'Israël. J'ai reconnu dans ces jeunes filles beaucoup d'amabilité et de mélodie, et il est juste qu'après avoir partagé ensemble tant de périls, la paix nous trouve réunis. J'irai les accompagner quand j'aurai fini mon cantique du matin. Il n'y manque plus que la doxologie. Voulez-vous en faire votre partie ? La mesure en est facile, et l'air connu, c'est celui de Southwell. » David remit à l'officier son manuel, recommença à donner le ton de l'air, et termina le cantique avec une attention si scrupuleuse qu'il n'était pas facile de l'interrompre. Hayward fut obligé d'attendre jusqu'à la fin du dernier couplet, après quoi David ôta ses larges besicles et replaça le psautier dans sa poche. « Vous veillerez, lui dit alors Duncan, à ce que nul n'approche de ces dames avec grossièreté ou n'insulte en leur présence à l'infortune de leur vaillant père. Les domestiques de sa maison vous viendront en aide. » « Parfaitement. Il est possible que vous ayez affaire à des Indiens ou à des rôdeurs français. En ce cas, vous leur rappellerez les termes de la capitulation, en les menaçant de vous plaindre à Montcalm. Il suffira d'un mot. S'il ne suffisait pas, j'ai de quoi y suppléer, » repartit le candide David en montrant son livre avec un singulier mélange d'assurance et d'humilité. « Il y a là des paroles qui... prononcé ou plutôt fulminé avec l'emphase convenable et en mesure, imposerait au caractère le plus ingouvernable. Écoutez plutôt. Pourquoi, païen, cette rage insensée ? Assez, dit Hayward, en interrompant l'explosion de cette invocation musicale. Nous nous entendons, et il est temps que chacun de nous retourne à son devoir. David Lagame exprima son assentiment, et ils se rendirent ensemble auprès des demoiselles. Cora accueillit ce bizarre protecteur avec politesse, et Alice céda à son espièglerie habituelle en remerciant Hayward du cadeau. Celui-ci prit occasion de leur dire qu'il avait fait tout ce que permettaient les circonstances, et que c'en était assez pour les rassurer complètement, attendu qu'il n'y avait aucun danger à craindre. Il parla ensuite du plaisir qu'il aurait à les rejoindre dès qu'il aurait conduit l'avant-garde à quelques lieues de l'Hudson et pris congé d'elle. Au même instant, on donna le signal de départ et la tête de la colonne anglaise se mit en mouvement. À ce bruit, les deux sœurs tressaillirent et, jetant les yeux au dehors, elles aperçurent les uniformes blancs des grenadiers français qui prenaient déjà possession des portes du fort. Puis il leur sembla qu'un nuage venait d'obscurcir le jour. C'était l'étendard de France qui déroulait au vent ses longs plis blancs fleurdelysés. « Partons, dit Cora. Il ne convient pas aux filles d'un officier anglais de rester ici plus longtemps. » Alice saisit le bras de sa sœur et elles partirent ensemble au milieu du cortège mouvant qui continuait à les entourer. Lorsqu'elles franchirent les portes, les officiers français, qui avaient appris ce qu'elles étaient, leur adressèrent des saluts respectueux, en s'abstenant d'autres marques d'attention, car ils avaient trop de tact pour ne pas voir que dans une semblable situation, elles eussent été déplacées. Comme tout moyen de transport, voitures et chevaux étaient affectés au service des malades et des blessés, Cora avait décidé d'endurer les fatigues d'une marche à pied, plutôt que de priver un de ces malheureux d'un secours indispensable. Et encore, Plus d'un soldat mutilé ou impotent était obligé de traîner ses membres débiles à la suite de la colonne, dans l'impossibilité de se procurer, en plein désert, des véhicules en nombre suffisant. Cependant, tout était en mouvement, les blessés et les malades geignant et souffrant, les soldats dans un mossad de silence, les femmes et les enfants ahuris sans savoir pourquoi. Dès que ce dernier groupe eut quitté l'abri protecteur du fort et fut entré dans la plaine découverte, le tableau tout entier se présenta au regard. À quelque distance sur la droite et un peu en arrière, l'armée française était sous les armes, Montcalm ayant rassemblé toutes ses forces après l'occupation du fort par les grenadiers. Spectatrice attentive et calme, cette armée victorieuse regardait défiler les vaincus, leur rendant tous les honneurs militaires stipulés et n'ajoutant à leur malheur le poids d'aucune insulte. Les Anglais, au nombre d'environ 3 000, formaient deux colonnes serrées, marchant en lignes parallèles, qui se rapprochaient l'une de l'autre à mesure qu'elles convergeaient vers le point de la forêt où commençait la route qui conduisait à l'Hudson. On apercevait sous bois une nuée d'Indiens qui assistaient de loin au passage de leurs ennemis et rôdaient comme planent des vautours que la présence d'une troupe nombreuse empêche seule de s'abattre sur leur proie. Quelques-uns d'entre eux venaient à la suite des colonnes, se mêlant en silence aux vaincus, observant tout et se tenant sur une prudente réserve. L'avant-garde, commandée par le major Hayward, avait déjà atteint le défilé, et l'on commençait à la perdre de vue, quand l'attention de Cora fut éveillée par le bruit d'une dispute qui s'était élevée au milieu d'un groupe de traînards. Un mauvais drôle, qui servait dans la milice, était puni de sa désobéissance à l'ordre de ses chefs en se voyant dépouillé du lourd bagage pour lequel il avait quitté son rang. C'était un homme d'une épaisse carrure et trop intéressé pour lâcher son bien sans résistance. Plusieurs individus intervinrent, soit pour empêcher le pillage, soit pour y aider. La querelle s'échauffa, le bruit augmenta, et une centaine de sauvages surgirent comme par enchantement, quand tout à l'heure il n'y en avait qu'une douzaine. Cora aperçut Magua, qui se glissait parmi les Indiens et leur parlait avec son insidieuse et fatale éloquence. Les femmes et les enfants s'arrêtèrent, pressés en un groupe confus, comme une bande d'oiseaux effarouchés. La cupidité de l'Indien maraudeur fut bientôt satisfaite, et les colonnes reprirent lentement leur marche. Les sauvages s'écartèrent alors et parurent disposés à laisser leurs ennemis s'avancer sans obstacle. Mais lorsque la troupe de femmes vint à passer, les couleurs éclatantes d'un châle excitèrent l'envie d'un Huron qui, sans hésiter, s'élança pour s'en emparer. La femme qui le portait, plutôt par un sentiment de terreur que pour conserver le vêtement, en enveloppa son enfant et serra l'un et l'autre contre son sein. Cora allait lui conseiller d'abandonner à l'Indien l'objet de sa convoitise, quand ce dernier, laissant aller le châle, arracha l'enfant effrayé des bras de sa mère. Puis, avec un rire de cannibale, il lui tendit une main pour indiquer qu'il consentait à un échange, tandis que de l'autre il faisait pirouetter autour de sa tête l'enfant qu'il tenait par un pied, comme pour rehausser la valeur de sa rançon. « le voilà, et ceci encore !» s'écria la mère, pouvant à peine respirer et se dépouillant d'une main tremblante et mal assurée de tout ce qu'elle avait sur elle. « Tiens, prends tout, mais au nom du ciel, rends-moi mon enfant !» Le sauvage, voyant que le châle était devenu la proie d'un autre, dédaigna tout ce qu'on lui offrait en surplus. Son ricanement fit place à une expression de férocité. Il brisa la tête de l'enfant contre une roche et jeta aux pieds de la mère ses restes palpitants. Un instant, la malheureuse demeura immobile, comme la statue du désespoir, fixant un œil égaré sur cet objet horrible que tout à l'heure elle avait vu presser son sein et lui sourire. Puis elle leva les bras vers le ciel, comme pour invoquer le châtiment de Dieu sur l'auteur d'un acte si abominable. Mais le Huron lui épargna le péché d'une telle prière. Rendu furieux par son désappointement et excité par la vue du sang, il termina son agonie en lui fendant le crâne d'un coup de tomahawk. Elle tomba comme une masse, et, entourant son enfant d'une dernière étreinte, le pressa dans la mort avec l'énergique affection qu'elle lui avait vouée durant la vie. En ce moment terrible, Magua porta les deux mains à sa bouche et poussa le fatal et effrayant cri de guerre. Les Indiens épars, qui n'attendaient que le signal, se mirent à gambader en sauts désordonnés, et il s'éleva dans la plaine et sous les voûtes de la forêt des hurlements, comme il en est rarement sorti de la bouche des hommes. Une impression d'épouvante paralysa ceux qui les entendirent, et le sang se glaça dans leurs veines. Soudain, plus de 2000 sauvages s'élancèrent de la forêt, et avec une hâte cruelle tombèrent sur l'arrière-garde de l'armée anglaise. Nous n'essaierons pas de décrire la scène d'horreur qui suivit. La mort était partout, et sous ses formes les plus terribles et les plus révoltantes. La résistance ne servait qu'à enflammer la rage des meurtriers qui s'acharnaient sur les victimes, même après que la mort les avait mises hors de leur atteinte. La plaine était inondée d'un torrent de sang, et dans l'ivresse du carnage qui avait saisi les Indiens, on en vit plusieurs s'agenouiller par terre et boire le sang avec une volupté infernale. Les troupes disciplinées se formèrent vivement en carré et s'efforcèrent d'intimider les assaillants par l'aspect imposant d'un front de bataille. L'expédient réussit jusqu'à un certain point, mais un grand nombre, dans la vaine espérance d'apaiser la fureur des sauvages, se laissèrent arracher des mains leurs fusils non chargés. Au milieu d'une telle scène, dont personne n'eut le loisir de calculer la durée, 10 minutes, aussi longues qu'un siècle, s'étaient écoulées depuis que les deux sœurs étaient restées immobiles, saisies d'horreur et sans défense. Au premier coup, les autres femmes s'étaient pressées à l'envi autour d'elles, en poussant de grands cris et avaient ainsi rendu la fuite impossible. Et maintenant que la crainte ou la mort les avait presque toutes dispersées, les tomahawks menaçants les enfermaient dans un cercle de fer. Des cris, des gémissements, des supplications, des malédictions s'élevaient de toutes parts. Au plus fort de la mêlée, Alice entrevit la haute taille de son père qui traversait rapidement la plaine dans la direction de l'armée française. Sans s'inquiéter du péril, Munro courait auprès de Montcalm pour réclamer de lui l'envoi de l'escorte qui avait été stipulée. 50 haches furent levées sur sa tête, 50 coutelas menacèrent sa poitrine, mais les sauvages, au milieu de leur plus grande furie, respectèrent son rang et son intrépidité. Les instruments de mort furent écartés par le bras encore nerveux du vétéran ou s'abaissèrent d'eux-mêmes. Heureusement pour lui, le vindicatif Magua cherchait alors sa victime à l'endroit même que Munro venait de quitter. « Mon père, mon père ! Nous sommes ici !» s'écria Alice au moment où il passait à quelque distance sans paraître les voir. « Au secours, père, où nous sommes perdus !» Cet appel fut répété en des termes et avec un accent qui aurait amolli un cœur de bronze. Hélas, nulle voix n'y répondit. Il y eut un moment, il est vrai, où ses cris parurent arriver jusqu'à l'oreille du vieillard, car il s'arrêta pour écouter. Mais Alice était tombée évanouie, et Cora s'était précipitée sur sa sœur en lui faisant un rempart de sa courageuse tendresse. Munro secoua la tête d'un air chagrin et poursuivit sa marche pour s'acquitter du devoir que lui prescrivaient ses fonctions et sa responsabilité. « Madame, dit David qui, bien qu'inutile et lui-même sans défense, n'avait pas songé à abandonner le dépôt confié à sa garde, c'est ici le jubilé des diables et il ne convient pas à des chrétiens de s'attarder en pareil lieu. Levez-vous et fuyons. Partez !» dit Cora en jetant les yeux sur sa sœur évanouie. « Sauvez-vous, vous ne pouvez m'être d'aucune utilité !» David comprit à quel point elle était résolue par le geste simple mais expressif dont elle accentua ses paroles. Il promena ses regards sur les bourreaux qui accomplissaient autour de lui leur œuvre de sang. Sa grande taille se redressa, sa poitrine se souleva et ses traits pleins d'animation revêtirent un caractère de décision énergique. « Si le berger d'Israël, dit-il, réussit à dompter le mauvais esprit de Saül par les sons de sa harpe et ses hymnes sacrés, essayons à notre tour quel sera ici le pouvoir de la musique. » Alors, forçant la voix à son plus haut diapason, il entonna un cantique avec tant de force qu'on l'entendait par-dessus le vacarme et la confusion de ce champ de carnage. Plus d'un sauvage se rua sur les deux sœurs sans défense pour les dépouiller de leurs bijoux et emporter leurs chevelures. Mais à la vue de ce personnage étrange et immobile à son poste, ils s'arrêtèrent pour l'écouter. De l'étonnement, ils passèrent bientôt à l'admiration et allèrent s'attaquer à des créatures moins courageuses en exprimant leur satisfaction de la fermeté avec laquelle le guerrier blanc entonnait son chant de mort. Encouragé et déçu par ce premier succès, David déploya toute la puissance de ses poumons pour augmenter le pouvoir de ce qu'il croyait être une sainte et salutaire impression. Ces sons extraordinaires furent entendus d'un Indien qui, loin de là, courait de place en place et d'un groupe à l'autre, comme un homme qui, dédaignant d'immoler des victimes vulgaires, en cherchait de plus digne de sa renommée. C'était Magua, qui poussa un hurlement de joie en voyant ses anciennes prisonnières de nouveau à sa merci. « Viens !» dit-il en posant sa main rouge de sang sur les vêtements de Cora. « Le wigwam du Huron t'attend. N'y seras-tu pas mieux qu'ici ?»« Arrière !» s'écria Cora en se couvrant les yeux pour échapper à cette horrible vision. L'Indien partit d'un éclat de rire insultant et levant en l'air sa main sanglante. « Elle est rouge !» dit-il, « mais c'est le sang des visages pâles !»« Monstre ! Il y a du sang, une mer de sang qui pèse sur ton âme. C'est ton infernal génie qui a suscité ce carnage !»« Magua est un grand chef !» reprit le sauvage, ivre de joie. « La fille aux cheveux noirs veut-elle le suivre dans sa tribu ?»« Jamais ! Frappe si tu veux, et mets le comble à ton implacable vengeance !» Il hésita un moment, puis saisissant dans ses bras le corps léger et insensible d'Alice, le subtil Indien prit sa course du côté des bois. « Arrête !» s'écria Cora en s'élançant sur ses traces avec l'élan du désespoir. « Laisse cet enfant ! Que fais-tu, misérable ?» Mais Magua restait sourd à sa voix, ou plutôt assuré du pouvoir qu'il avait sur elle. Il était résolu à en tirer parti. « Attendez, madame, attendez !» criait la gamme en interpellant Cora qui ne l'entendait pas. « Le charme divin commence à opérer, et bientôt vous verrez cesser cet effroyable tumulte !» S'apercevant à son tour qu'on ne l'écoutait pas, le fidèle David suivit la sœur désolée tout en s'égosillant à chanter son cantique, dont ses longs bras agités en l'air marquaient désespérément la mesure. C'est ainsi qu'ils traversèrent la plaine au milieu des fuyards, des blessés et des morts. Le féroce Huron n'avait besoin de personne pour se défendre, lui et la victime qu'il portait. Mais Cora aurait plus d'une fois succombé sous les coups de ses ennemis sans l'individu extraordinaire qui s'était attaché à ses pas et que protégeait aux yeux des Indiens crédules l'esprit de folie dont il semblait inspiré. Magua, expert dans les moyens d'éviter les dangers les plus pressants et d'éluder toute poursuite, pénétra dans la forêt par un chemin creux. Il y retrouva les chevaux que nos voyageurs avaient abandonnés quelques jours auparavant et qu'il avait remis sous la garde d'un sauvage à la physionomie non moins méchante que la sienne. Après avoir jeté Alice, toujours inanimée, en travers de l'un des animaux, il fit signe à Cora de monter sur l'autre. Malgré l'horreur qu'excitait en elle la présence d'un tel monstre, la jeune fille éprouva une sorte de soulagement à quitter l'affreux spectacle que la plaine présentait encore. Elle se mit en selle et tendit les bras à sa sœur avec un air si touchant de tendresse que le Huron n'y put rester insensible. Ayant donc placé Alice sur le cheval de Cora, il saisit la bride et se mit en marche en pleine forêt. David, voyant qu'on le laissait seul, comme une créature qui ne valait pas la peine d'être tuée, enfourcha avec ses longues jambes le roussin abandonné et piqua des deux pour suivre les sœurs autant que le permettaient les difficultés du chemin. Ils commencèrent bientôt à monter. L'allure assez rapide du cheval ayant peu à peu ranimé les facultés d'Alice, l'attention de Cora, occupée à prodiguer à sa sœur les marques de sollicitude maternelle et à prêter l'oreille aux clameurs dont la plaine retentissait encore, était trop absorbée pour remarquer la direction qu'on donnait à leur fuite. En arrivant toutefois au sommet de la montagne qu'il gravissait, elle reconnut le lieu où elle était déjà venue sous les auspices du chasseur blanc. Là, Magua leur permit de mettre pied à terre, et malgré leur captivité, l'instinct de la curiosité, qui ne nous abandonne pas, même dans les situations les plus pathétiques, les porta à jeter un coup d'œil sur la scène funèbre qui se passait à leurs pieds. L'œuvre de sang n'était pas complète. De toutes parts, les victimes fuyaient devant leurs impitoyables bourreaux. Le glaive de la mort ne ralentit ses coups qu'après que la cupidité eut fait oublier la vengeance. Alors les gémissements des blessés et les cris de leurs assassins devinrent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'enfin les derniers bruits du carnage expirèrent ou furent étouffés dans de longs et effroyables hurlements qui proclamaient le triomphe des sauvages.